ça marche. Bon, on voulait vous dire, hein, pendant le temps que je me déshabille, qu'il faut que vous vous rapprochiez et vous vous mettiez devant. Voilà. Je sais pas si vous avez compris parce que j'articule pas toujours bien. Mais il faut vous rapprocher et voilà quoi. Ça commence mal, il en manque déjà. Hein. Il est où ? Ah ouais. Vas-y, viens là, Lyon. Il est où Martin là ? Est-ce que tout le monde va bien au caisson ce soir ? Que je suis branché là, je comprends pas. C'est bon ? Ça s'entend ? Ouais, je suis pas sûr. Hein. Si, il a dit... Et moi aussi, mon saxo, j'entends pas trop. Bon, on va commencer par une petite intro. Manouche. Comme les jazzman manouche, mais sans jazz. Je vais faire une blague contre les Vosgiens parce qu'ils sont tous assis là. Et vous savez pourquoi les Vosgiens ils aiment pas les animaux ? Dans les Mosellans aussi là par là. Non, déjà parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont des Vosges. Mais en plus, parce que dans les Vosges, les rats on les tape. Parce que les rats c'est des animaux et les rats on les tape c'est. Et ça c'est pour le chat. Et tu peux expliquer ? Alors celle-là elle était excellente hein. Elle est intelligente et tout, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est quand même une fréquentation à moi, quoi, donc... Non. Stop. J'ai l'impression qu'on n'a pas de retour, en fait, devant, au niveau des saxos. Est-ce que les saxos s'entendent bien ? Ça va ? Attendez, Robin se mouche. Ça commence bien. Pourquoi il parle de crapaud là ? Bon, déjà, c'est quoi un crapaud ? Est-ce que vous le savez au moins ? C'est pas grave ! Il est vraiment con, tout le monde sait ce que c'est un crapaud. Ouais. C'est pas évident, forcément. Désolé, go. Eh, hey, on s'appelait la boulette russe et si vous voulez, on a Peut-être qu'on a des CD qu'on vend à prix libre. Donc si vous voulez, vous allez voir lui là. Mais on n'est pas sûr. Ouais, parce que vous avez des CD. Ils ont des CD. Donc vous y allez et vous donnez même un chewing-gum, ça roule.